Bah, je suis avec Julien de PsyCup, donc chanteur et guitariste du groupe et fondateur au passage. Merci Julien de prendre un peu de temps pour la chaîne et pour nous. Avec plaisir. Je vais tout de suite commencer un peu par resituer votre groupe pour les gens qui ne connaîtraient pas et donc forcément parler un peu du style. Alors moi, si je devais utiliser qu'un seul mot, ça serait expérimental. Je pense que c'est peut-être ce qui collerait le mieux à votre déroulé, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est un groupe qui expérimente depuis le début, donc ça colle bien. Pour remettre un peu, moi, dans toutes mes écoutes, j'ai entendu du métal alternatif, du néo-métal, du hardcore, du metalcore, du jazz, du rap, de l'électro, et je pense qu'il m'a encore manqué quelques nuances même. Vous touchez à tout, et c'est une vraie richesse. Oui, c'est, je pense que c'est dans notre ADN, on écoute de tout. Et moi qui suis compositeur principal, j'écoute pas beaucoup de métal en fait chez moi, surtout en mode de composition. J'écoute beaucoup de jazz, j'écoute beaucoup de soul, j'écoute beaucoup de musique classique ou de musique de film. C'est plus ça qui m'influence au final que le métal en lui-même. Mais j'ai une culture métal aussi, mais c'est pas ce que j'écoute principalement chez moi. Donc je pense que c'est ce qui fait aussi que ça atterrit dans PsyCup et ça se dilue dans PsyCup et y en a tout le temps partout. Et c'est ce qui fait que le groupe aussi a perduré, c'est parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'on va produire. Il peut y avoir plein de choses, et j'aime bien quand on écoute un album de PsyCup, qu'on ne se dise pas dès la première minute, ok, je sais tout ce qui va se passer. Là, au moins, tu ne sais pas ce qui va se passer. Ah ben clairement, moi, je suis arrivé sur votre nouvel album dont on va parler. Je me suis dit, alors, cette fois, on est où? Tu vois, immédiatement, tu te dis, à quoi je vais avoir droit cette fois? Et... vous n'avez pas peur justement quand tu composes de aller trop loin dans un sens ou dans un autre et de perdre un peu votre public habituel? Non, ça je m'en fous vraiment. C'est-à-dire que j'ai toujours écrit sans me préoccuper de ça, parce que je pense que c'est pas bon artistiquement de se préoccuper de ce que les gens pensent trop, parce que évidemment tu te demandes comment ça sera perçu, etc. Tu t'en fous pas complètement, il faut je pense pas se prendre la tête avec ça, parce que il faut être naturel, il faut être sincère. Cet album, il a été écrit très spontanément, et nous ce qu'on veut, c'est que surtout les gens s'ennuient pas. Ouais. Et que les gens nous reconnaissent, c'est-à-dire que voilà, il y a une patte PsyCup, c'est justement dans ce mélange et dans la façon dont les voix vont se mettre, et dont les riffs vont se mettre, dont la batterie va se mettre, etc. Surtout, c'est la surprise, la curiosité qu'on essaie d'attiser chez les gens. On veut que les gens soient curieux et qu'ils ouvrent leurs oreilles sur d'autres choses qu'ils écouteraient pas forcément en dehors. Ouais. Et c'est le métal qui va les amener vers là, c'est la base métal de PsyCup qui va les amener à écouter peut-être des choses jazzy ou des cordes ou des choses qu'ils écouteraient pas habituellement en dehors. Mais à l'écriture, je me demande pas du tout ça. La seule chose vraiment où j'ai changé mon écriture ces dernières années, sur les trois derniers albums, inclus celui-là, c'est que j'ai réduit les formats, j'ai réduit la longueur. Avant, c'était très long. Je vais t'en parler un petit peu après. Avec le temps, je me suis dit, j'en ai marre d'écrire des morceaux longs. J'ai plus envie d'écrire des morceaux, entre guillemets, c'est-à-dire des morceaux qu'on peut réécouter plusieurs fois, des morceaux où je trouve que l'information se dilue mieux sur 4 minutes que sur 15 minutes. C'est-à-dire que tu vas oublier trop de choses sur 15 minutes. Alors je renie pas les anciens morceaux pour autant, mais c'est vrai qu'on dans les morceaux qu'on joue actuellement, des vieux morceaux, c'est pas les morceaux les plus longs qu'on a pris, c'est pas les plus courts non plus, mais on a vraiment gardé ce qu'on considère qui est logique avec ce qu'on fait aujourd'hui. Toutes les choses qui collent plus trop, on les a jartées, parce qu'on se dit il faut que ça soit cohérent en fait, il faut qu'on ait une cohérence entièrement en live avec l'ancien PsyCup, le nouveau PsyCup, etc. Mais voilà, pour finir de te répondre, je pense que n'importe quel artiste se doit d'écrire avant tout pour soi, pour son groupe, pour ce que toi tu veux dire à ce moment-là, pas se préoccuper de comment les gens vont le recevoir, parce que sinon tu commences à rentrer dans une étude de marché et un truc pas naturel, et ça se sent en plus. Les gens, je pense, sentent quand un album est putassier et que ça a été pensé d'une certaine façon. Il y a des groupes qui changent constamment de style ou qui font la même chose parce qu'ils veulent pas prendre de risques. Et nous, on n'est pas du tout là-dedans. Justement, tu disais que vous aviez raccourci les morceaux. Moi, l'impression que j'ai eue en écoutant The Joke of Tomorrow, donc votre nouvel album, et c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais c'est que c'est peut-être le plus facile à écouter de toute la carrière de PsyCup. Oui, t'as raison. Mais vu ce que tu en dis, c'est pas forcément été une volonté pure de dire je veux toucher du grand public, mais juste votre évolution naturelle. C'est une évolution naturelle, parce que tu mûris, les choses changent dans la façon dont tu composes. Et puis surtout, je pense que je me suis dit, j'ai envie que l'information passe avec le plus de fluidité possible. J'ai envie que les gens comprennent à fond ce que je veux dire. Quand les moments où tu pars vraiment beaucoup dans tous les sens, ou les moments où le message est obscurci par beaucoup d'informations, les gens n'arrivaient pas à saisir ce qu'on voulait faire, enfin notre essence véritable, à part vraiment les fous furieux de Psycup, la fanbase hardcore, les gens vraiment qui sont limite qui trouvent que maintenant on fait des choses trop simples. Ouais. La plupart des gens disaient ah j'aime bien tel passage, j'aime bien tel passage. Et ils n'arrivaient pas à rentrer dans l'univers. Et c'est ça qui m'ennuyait plutôt, de me dire merde, peut-être mon message n'est pas assez clair, peut-être que c'est trop dilué, peut-être qu'il y a trop d'informations. Et moi-même, en vieillissant, en mûrissant dans mon écriture, avant je me disais toujours, quand j'arrivais, j'avais écrit pas mal de trucs dans un morceau, j'arrivais à ce moment-là, je me disais bon, qu'est-ce que je peux mettre de plus quoi. Ouais. Et maintenant c'est l'inverse, maintenant je me dis qu'est-ce que je peux mettre de moins. Maintenant j'arrive, je me dis bon, là on va s'arrêter là, c'est bien, et même limite je vais en enlever. Donc du coup on se retrouve avec des morceaux de 3 minutes. Ouais. Mais parce que je pourrais broder, mais là ça devient de la broderie, on n'est plus dans le message vraiment que je veux faire passer simple et efficace du morceau. Parce que j'ai envie que les gens, c'est des morceaux faits pour la scène aussi, cet album-là beaucoup, c'est des morceaux où on va s'éclater, ça va être le message va être clair. Et à la fois il y a des subtilités un peu partout. Ce qui m'intéresse c'est ça, c'est qu'il y a des petites subtilités. Qui est des petits détails, si tu écoutes, si tu creuses, si tu écoutes bien au casque et tout, tu vas entendre ah là, il y a ça, j'avais pas fait gaffe, ou dans le texte, ou dans le. Voilà, qu'il y ait des petites choses un peu. Mais ça sera pas, voilà, c'est pas écrit gros dessus, ou là, attention, ouais. On est fou, il y a beaucoup de choses. J'aime bien le côté fou dans un format court. Ouais. Je trouve ça plus impactant. Oui, enfin, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je vous ai découvert avec Control, Alt, Fuck ouais. À l'époque. Là pour préparer l'interview j'étais réécouté l'ensemble de votre discographie. C'est vrai que quand j'ai démarré par le premier ouais. Et sur les trois premiers je me suis dit waouh, ça part vraiment dans tous les sens. J'ai écouté les deux premiers, tu vois, d'entrée ouais. J'ai arrêté, je me suis dit je m'y remettrai après parce que là je suis fatigué, tu sais, mentalement de l'avoir. Et le troisième est pire. Oui. complètement. Là je suis allé au bout de la rupture de ce que je pouvais faire de pire et j'en suis revenu après parce que la pause a été nécessaire derrière, je pense, qu'on a faite. Et quand je suis revenu sur contrôle à l'écriture, j'étais là, j'ai plus du tout envie d'écrire comme ça. Et voilà, c'est une période, je la renie pas, c'est une période de ma vie, j'avais des choses à sortir un peu plus folles, je pense. J'étais beaucoup moins apaisé qu'aujourd'hui aussi. Ouais. Avec le temps, j'étais plus torturé. Donc forcément, ça sort pas pareil. Et t'arrives pas à canaliser ton énergie de la même façon. Maintenant, l'énergie est beaucoup plus canalisée. Ouais. Ok. Bah, tant qu'on parle écriture, vous avez pas mis de français dans cet album non. Du tout. C'est. Et dans les deux précédents non plus d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est parce que on me le demande souvent parce que les trois premiers il y en avait. C'était un mélange entre les deux. J'ai plus cette envie d'écrire en français pour l'instant. Ça reviendra peut-être, mais à une époque c'était naturel. Là, ça l'est plus. Ouais. En plus, on a voulu internationaliser le groupe, donc on s'est dit bon, l'anglais ce sera le meilleur moyen. Bien sûr. Mais c'est vrai que oui, c'est une chose qui m'est pas revenue. Okay. Ça pourra peut-être revenir à un moment. Je suis pas hermétique du tout. Il y a plein de gens qui demandent, etc. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais c'est, je pense que ça. Alors, il y a des gens qui disent oui, on se cache derrière l'anglais, machin et tout. Non, parce que moi, j'ai un bon niveau d'anglais. Je fais des études d'anglais aussi à une époque. Donc, j'arrive à exprimer, je pense, des choses qui sont pas du tout du remplissage. Ouais. C'est pas de l'écriture automatique. Mais les gens qui. Bon, de nos jours, quand même, les gens parlent un peu plus anglais qu'avant. Oui. J'ose espérer. Et il y a des gens, je suis content qu'on parle un peu des textes de cet album, ce que je vois sur les chroniques et tout, un peu plus, parce que les gens, en général, dans le métal, c'est vrai que les textes, c'est pas le truc qu'ils écoutent le plus. Oui, déjà, suivant la façon dont c'est chanté, c'est plus ou moins facile d'entendre le texte. Voilà, c'est plus compliqué. Là, il y a pas mal de voix clean aussi. Oui. Donc du coup, bon, je pense que les gens s'attardent un peu plus sur le texte aussi parce qu'il y a de plus en plus de voix clean. Justement, pour parler texte, est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte global de cet album, de ce que vous avez voulu exprimer à l'intérieur? Oui. En fait, The Joke of Tomorrow, c'est une référence à un auteur que j'adore, qui est H.G. Wells, qui est celui qui a écrit La Guerre des Mondes, L'Homme Invisible, La Machine à Explorer le Temps, etc. C'est un auteur quand même très important du 19e. Et c'est une personne voilà, qui a bah, déjà qui a compté dans mon apprentissage de la littérature et dans les films qui ont été adaptés après aussi, qui m'ont marqué. Et il a dit dans une interview, bah, c'était un visionnaire ça, ce personnage, et il a dit dans une interview « The crisis of today is the joke of tomorrow », à savoir donc, la crise d'aujourd'hui et la blague de demain. Et c'est une phrase qui m'a marqué et qui m'a aidé à affronter certains moments de la vie, parce que je me suis dit effectivement, aujourd'hui, quelque chose qui va se passer qui va être vraiment horrible, et dans quelques temps, on va en rire, on pourra en rire. Et c'est ce qui permet de désacraliser les situations, et c'est l'essence même du groupe. PsycUp, c'est la psyché vers le haut, c'est optimiser, rebondir sur les problèmes, toujours se relever, ne pas cesser à battre, et voir ce qu'on peut tirer comme expérience positive d'une situation très négative. Et il y a toujours une expérience à retirer, quelle qu'elle soit, même dans la mort de quelqu'un, on peut retirer quelque chose. Donc je pense que voilà, là, on vit une période quand même très tourmentée dans le monde. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de guerres, beaucoup de choses très tristes, très graves. Et plutôt que de faire un peu comme plein de gens, c'est-à-dire te dire la guerre c'est mal, tout le monde le sait, enfin, je veux dire, voilà. La guerre c'est mal, le racisme c'est mal, etc. On le sait, on est d'accord. Oui. On préfère plutôt, je pense, prendre un peu de recul, avoir un petit peu de second degré et essayer d'en rire ou de voir un peu ce qu'il peut y avoir de comment dire, l'expérience qu'on peut retirer de ça. Positif. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas du tout en compte la souffrance ou les choses graves. Oui. C'est-à-dire que je pense qu'on a une vision qui n'est pas exactement la même, qui est un peu plus décalée de la chose. Et du coup, cet album parle de ça, de résilience, beaucoup de façon d'accepter aussi tout ce qui ne va pas dans la vie. C'est-à-dire que voilà, c'est accepter la perte, accepter la déception, accepter la mort, accepter les crasses qu'on peut nous faire ou la malchance ou les choses qui nous tombent dessus des fois, et se relever avec le sourire et en arrivant à plaisanter avec. Ça parle de ça, ouais. Ça parle beaucoup de ça. C'est quelque chose qui était déjà un peu là avant, mais qui là vraiment dans le concept de l'album, ça parle énormément de ça dans presque tous les morceaux de façon différente. Mais et d'ailleurs, vous l'avez bien mis en image avec deux clips. Oui. Bah déjà, pour commencer, Same Player, donc le dernier que vous avez sorti, oui, qui est donc un hommage au jeu vidéo avec votre autruche qui est quand même un symbole pour vous, oui, qui meurt encore et encore, mais qui finit quand même par réussir à finir le jeu. Oui. Voilà, c'est quand même tout ce qui a, c'est directement l'essence de de votre concept. Oui. Et même I Will Let You Down, donc votre premier clip pour cet album avec ce clown qui se bat avec ce boxeur encore et encore dans toutes les situations. Je pense que vous avez, tu vas me dire, mais j'ai l'impression que vous avez bien réussi à faire passer là-dedans toute l'essence de ce que vous voulez dire dans les textes. Oui, bah, merci, ça fait plaisir, tu vois, parce que c'est vrai que voilà, quand je te parlais tout à l'heure de clarifier le message, voilà, pour le coup. On a déjà fait des clips plus obscurs où c'était plus dur de capter ce qu'on voulait faire, quoi. Et là, au moins, bah, c'est clair et net. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler directement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent aussi. Et nous, on l'a fait aussi. On se drape un peu dans le côté arty, le côté un peu bizarre, machin et tout. Et bon, bah, du coup, les gens qui aiment bien le côté bizarre vont adorer le truc. Mais j'aime bien, même moi, j'aime bien aller chercher. Moi, j'adore David Lynch, par exemple. Qui est mort récemment, le pauvre, mais c'était un réalisateur que j'adorais, parce que c'était un peu le maître de l'étrange. Et on pouvait interpréter des choses quand même dans ce qui... Bah, y a beaucoup de choses très obscures, les gens se disent je comprends rien à ce qu'il fait, etc. Mais pour moi, il y a des messages qui sont passés, il y a des choses qui sont passées dans Twin Peaks, des éléments dont je me suis nourri. Et j'aime bien qu'on puisse aller chercher un truc. Là, le message est assez clair. En plus, I will let you down, ça veut dire je vais te décevoir. Oui. Ça veut dire c'est pas grave, je vais te décevoir, tu vas me décevoir. À un moment dans la vie, on est toujours déçu par les gens, ou les gens nous déçoivent, ou on les déçoit nous. Et c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on les aime pas, c'est pas pour ça que ça peut pas aller, en fait. Ouais. C'est pas un problème. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on dit, c'est accepter de perdre, accepter de décevoir, accepter d'être mauvais à des moments, de rater, de pas être bon. On nous vend une forme de perfection dans la société actuelle, que ce soit avec les réseaux sociaux, où c'est horrible, on nous vend une perfection de l'image, une perfection physique, il faut que tout soit comme dans un film ou dans une photo, et c'est horrible parce que ça rend les gens dépressifs, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se suicident, de gens qui sont déprimés parce qu'ils disent ma vie elle est pourrie à côté de celle des autres, et souvent l'envers du décor en plus c'est pas vrai, il y a des gens qui te vendent une image de leurs vacances idéales, en fait c'était pas génial, ils ont pris deux photos quand il faisait beau, enfin ça veut rien dire. Oui, bien sûr. C'est pas, faut pas. Donc nous, on montre un peu l'autre côté des choses, mais il faut quand même garder un certain, faut que ça ait quand même de la classe, faut qu'il y ait quand même un truc intéressant. On va pas aller se vautrer non plus dans un trop grand réalisme. Oui. Faut qu'on puisse faire rêver un petit peu les gens aussi, un minimum. C'est dur à trouver cet équilibre, je trouve, entre être spontané, naturel, et donner un petit peu de rêve aussi, que ça reste quand même un peu onirique, un peu fou. Oui. Et justement, le boxeur et le clown, c'était, c'est un peu les deux facettes de ma personnalité et de l'écriture et du groupe. Il y a ce côté loufoque, un peu barge, qui est là, quoi. Parce oui, que, oui, parce oui que bah ça, ça peut partir dans tous les sens, voilà, à tout moment, oui. Et à côté de là, le boxeur, c'est quelqu'un qui est un peu plus sage, un peu plus posé, un peu plus mûr, et qui sait encaisser les coups, qui sait se relever. Et qui va doser ses coups. Ouais. C'est pas comme le clown qui est hyper dispersé. Donc on est parti de ça et sur la pochette et on l'a exprimé dans le clip et on l'a filé même dans le clip de Same Player avec l'autruche. On les voit aussi, le clown et le boxeur. Ouais. C'est voilà, on essaie de créer un petit univers à nous, quoi. Voilà, que les gens reconnaissent certains petits détails. Et bon, Same Player, c'était un hommage en plus au jeu vidéo 16 bits. Oui. Donc là, c'est Nicolas Leroy qui est un super graphiste, designer. Enfin, lui, il sait tout faire. Il fait du pixel art. Il fait de l'animation. Voilà, c'est quelqu'un qui nous avait déjà fait le clip de Lucifer et Sleeping pour l'album d'avant, pour Hello Karma. Là, c'était que de l'animation. Et quand je l'ai contacté en lui disant, on voudrait faire un truc en pixel art, il a sauté au plafond parce qu'il m'a dit, moi, je fais du pixel art à côté. J'ai jamais pu en faire dans un clip. Allons-y. Ah oui. Donc on a brainstormé tous les deux pour les idées par rapport au script, par rapport à mon texte. Mmh. Et puis il a balancé plein de trucs hyper originaux. Ah, et des références de partout. Oui, c'est les gens qui s'amusent encore à les compter, les références, parce qu'il y en a plein des cachés aussi et il faut chercher, quoi. Ouais. Voilà. Moi j'ai mis des références cinématographiques, plus lui il a mis plein de références jeux vidéo. Et puis, ouais, ça fait un bon mix. Voilà. Voilà. Mais c'est quand même vous qui réfléchissez en amont quelle forme vous voulez de clip. Ah oui, ça quoi, c'est. Ouais. On va chercher les gens en fonction, c'est-à-dire qu'on réfléchit par rapport au texte que j'ai écrit et à ce que je veux véhiculer dans le morceau, on va discuter. On en parle avec le groupe. Moi je dis voilà, moi j'aimerais bien que ça soit comme ci, comme ça par rapport au truc. Quand on est d'accord entre nous, on va chercher la personne qu'on pense correspondre le mieux pour exprimer ça. Et puis moi je suis en cheville avec la personne pour discuter, pour échanger, pour brainstormer en amont. Okay. Et après je fous la paix à la personne derrière. Mais oui, au moins que les choses soient claires dès le début. Ouais. On va dans la même direction. Et jusqu'ici ça a bien fait sur cet album parce que c'est les gens qui ont très bien compris le message des morceaux, ce qu'on voulait faire, l'image qu'on voulait avoir, etc. C'est parce que voilà, c'est important d'avoir une image, je pense, qui que ça soit un tout, quoi. Mmh. Que ça soit un concept général. Enfin, c'est vrai que l'image globale, vous pouvez faire la meilleure musique du monde si derrière les pochettes sont super moches, ah ouais, ouais, non, visuellement sur scène il n'y a rien, enfin, etc. Oui, c'est sûr que rapidement ça devient plus compliqué pour la promouvoir. Ouais. Et il faut que ce soit cohérent. Mmh. Bah, parce que je pense qu'on a galéré, je pense, longtemps à trouver. Ça partait tellement dans tous les sens que pour mettre une image, c'était dur parce qu'il y avait trop de trucs. Oui. On ne pouvait pas arriver avec 25 tenues. Et, enfin, oui, oui, complètement. Donc, après, on a essayé d'affiner, quoi, sur Contrôle Alpha, qu'on était parti dans un délire un peu playa avec cette pochette. Et, donc, on était avec des chemises hawaïennes, on était dans un truc plus, voilà, un peu estival. Mmh. Sur l'album de Hello Karma, c'était un truc un peu plus sobre parce que c'était un album un peu fin du monde et donc on était tout en noir, c'était un peu plus dark. Et là, on est dans un truc un peu entre les deux, quoi. Qui est à la fois assez classe, mais un peu décontracté aussi. Et avec cet univers sur scène, on a essayé de recréer cet univers de clown et de boxeur et un peu de cirque, d'affrontement un peu bizarre. Ok, ça va être sympa. Tout ouais, ça, ouais, ouais, ça fait un peu freak show, c'est marrant. Okay. Mais sans aller trop forcer la dose. Ouais, je vois. Vous avez, enfin, pardon, je reviens sur les histoires de clips. Vous en avez d'autres en préparation ou... Oui, il y en a un troisième. Ouais, il y a un, okay, y a un troisième single qui sortira, mais je pense plutôt à la rentrée. Parce que là, on est en pré-tournée un peu, c'est-à-dire qu'on chauffe un peu les nouveaux morceaux sur scène. Donc on en a déjà fait deux dates qui sont très bien passées à Tours et à Ris-Orangis, en banlieue parisienne. Mm-hmm. On va aller au mois de juillet, on va aller en Moselle. Au mois d'août, on va aller plutôt en Gironde. C'est juste très peu de festivals cet été parce qu'on va surtout tourner l'été prochain, les festivals. Okay. Le temps que l'album vive, quoi. Ouais, et sûr. Après, à la rentrée, là, c'est là que le gros de la tournée va vraiment démarrer. Là, on va partir pas mal, beaucoup en France, un peu partout. Okay. Donc, on teste aussi. On voit un peu comment ça se met avec le public et tout. Mais jusqu'ici, les retours sur les nouveaux morceaux ont été super. Même les gens qui ont découvert, parce qu'on a joué avant la sortie de l'album en plus, mm-hmm, les deux premières dates. D'accord. Donc les gens ont découvert en exclu. Ils ont découvert, y avait 7 nouveaux morceaux, donc ils ont découvert 5 morceaux à parler de singles. Ouais. Et on a vu un peu la réaction des gens à chaud et ça, c'était super. Donc très encourageant, donc très bien. Ça, c'est top parce que souvent, des fois, les groupes, quand justement ils testent en live pour la première fois, t'as un peu. tout le monde s'arrête. Ah ouais, non, là, ils sont partis direct. Dans l'oreille pour essayer de comprendre ce qui arrive. Ouais. Bah, ça prouve que c'est plus clair. Parce qu'avant, quand on jouait des nouveaux morceaux, les gens justement étaient vachement comme ça. Ouais. Et là, ils sont partis direct en live avec nous. Quoi. Donc, très bien. Ok, c'est cool. Pour finir un peu autour de l'album, après, on va parler un peu des à côté du groupe. Vous avez signé chez V-Records, oui. Donc, qui est quand même un label important en France. Alors que vos deux précédents albums avaient été faits avec les amis de l'autruche, soit alors si j'ai bien tout compris, en fait c'est de l'autoproduction. Ah ouais, ouais. C'est notre voilà. Asso. Qu'est-ce qui a fait que vous enfin l'album avant précédent pardon, c'est Control Alpha qui était sous les amis de l'autruche, ouais. et Lo Karma était avec Regard, oui. Qui n'est pas un label. Oui, c'est ça. C'est une asso locale. C'est une asso locale qui fait de la production, etc. Et qui ont ce qu'ils appellent une sorte de laboratoire. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils accompagnent des groupes aussi. Ouais. Et ils font office quelque part de label. Enfin, ouais. C'est-à-dire qu'ils font le travail d'un label au niveau de l'investissement, de la promotion, du développement. Ouais. Mais grâce à eux, d'ailleurs, on a pu passer le Covid aussi, grâce à Regard. Mmh. Je les en remercie encore parce que c'était une période très difficile. Ils nous ont beaucoup soutenus, ils ont quand même sorti l'album malgré tout, etc. On a fait une très belle tournée derrière. Mmh. On a tourné quand même pendant 3 ans, oui. Avec tout ça, avec le Stop and Go. Et c'est aussi grâce aux bookers avec lesquels on a travaillé. Mais voilà, ça a été un tout. Et c'est vrai que la signature chez V-Records, ça a été inespéré. Quoi. Ouais. Ouais, mais en fait, c'était plus par l'autoproduction était plus par nécessité que par choix au départ. Bah, de toute façon, l'autoproduction, c'est super dur. C'est-à-dire, ouais. Que c'est l'argent, il faut aller le chercher. Quand on est revenu, on a fait des Kiss Kiss Bang Bang à l'époque pour nous aider, parce que c'était on avait que ça. Ouais. On n'avait pas du tout les fonds pour financer des albums. Donc on a réduit les coûts au maximum, c'est-à-dire qu'on en fait les prises nous-mêmes, etc. Mais bon, il faut quand même faire mixer par des gens. C'est un métier. Mixer, masteriser, c'est un métier. C'est puis tu bosses avec des gens sûrs qui vont apporter une touche supplémentaire au groupe. Là, depuis 2 albums, on bosse avec Fred Duquesne, le gratteux de Massisteria, mm-hmm. qui est un vieux pote parce qu'il était dans Watcha avant et qu'on se connaît depuis très longtemps et qui aime beaucoup le groupe. Donc, il nous a mixé les 2 derniers plus le single qu'on avait sorti entre les deux. C'est devenu un membre à part entière, je pense, du projet dans le sens où il nous a aidé à trouver vraiment le son qu'on voulait. À savoir un gros son à l'américaine, mais avec des subtilités, pas exactement comme tout le monde, pas avec le même trick que tout le monde, les mêmes guitares que tout le monde, etc. Donc il est très à l'écoute de ce qu'on veut, et il est force de proposition, donc c'est vachement bien. Et tout ça, c'est des choses qui se payent, quoi. Donc quand t'es en autoproduction, c'est très compliqué. Regard nous a beaucoup aidé, heureusement. Heureusement qu'ils ont produit l'album. Nous, on a mis très peu. On a mis un peu de ce qu'on pouvait, de royalty, de droits, oui. De ce qu'on pouvait récupérer. Mais là, avec V-Records, c'est pas pareil. On est en contrat d'artiste chez eux, c'est-à-dire que c'est eux qui produisent à 100%, qui gèrent tout. Ouais. C'est bien d'avoir cette structure. On a Verichaud aussi, qui est leur structure jumelle, qui est notre tourneur maintenant. Ouais. Donc on a Blight, qui est le tourneur de Massisteria, qui est notre nouveau tourneur, et qui adore le groupe. Et pareil, qu'on connaît depuis longtemps, qu'on a croisé plusieurs fois sur la route depuis 30 ans. Ouais. Donc c'est des gens qui connaissent très bien leur boulot et qui respectent vraiment le groupe et le passif du groupe. Ils nous ont pas du tout demandé, ils ont pas interféré dans l'artistique, ou ils sont pas. On se dit toujours, on signe sur un label, ils vont nous dire fais ci, fais ça. Pas du tout, ils ont été très très à l'écoute de ce qu'on voulait. Et ils nous demandent même, vous voulez qu'est-ce qui. Ils nous demandent les singles qu'on veut faire, ils nous demandent comment on veut, quelle image on veut. Enfin, tout est très en adéquation avec ce qu'on veut, quoi. Ils sont prêts à vous guider, mais jamais à vous imposer des choses. Bah non, parce que en plus c'est un vieux groupe, quoi. Donc à partir du moment, c'est pas un jeune groupe, donc forcément on a une image qui est déjà installée aussi, on a un travail qui a déjà été fait aussi. Donc ils sont intelligents, ils ont compris, je pense qu'il faut accompagner le truc. Bon, s'il y a quelque chose qui les choque, ils vont le dire. Oui, bien sûr. Ou qui n'est pas cohérent, Mais jusqu'ici, ils comprennent bien l'artistique et ça leur plaît. Et je pense que c'est quand même un label qui est curieux quand on voit le nombre de groupes très différents qu'ils ont, pas que en métal. Oui, oui. C'est très surprenant. C'est-à-dire qu'ils signent des trucs, c'est bien. C'est ce que je leur ai dit, d'ailleurs, ce que j'ai dit au boss, mais dit... Quand on a signé, je lui ai dit ça avec plaisir. C'est rassurant de se dire qu'il y a encore des labels en France, des majors, qui sont capables d'aller prendre des risques sur un groupe comme nous, oui. Qui est un groupe de niche au départ, qui est un groupe à part. C'est pas un groupe grand public. À partir du moment où tu fais des choses expérimentales, forcément, ça peut plaire, mais tu feras jamais Metallica, quoi. Enfin, voilà. Mais le but, c'est de détendre. C'est parce que nous, on a toujours eu envie d'étendre notre musique au plus grand nombre, en restant sincère. Voilà. Mais on a toujours évidemment envie d'étendre notre musique au plus grand nombre. Et c'est un très bon rayonnement qu'ils ont. Et c'est vachement bien parce qu'on va pouvoir être travaillé différemment, rayonner différemment, toucher d'autres gens. Je le vois déjà sur les premières réactions sur l'album. On a une force de frappe beaucoup plus grande. Ouais. Donc ça étend le projet et ça. Mais tout est question de promo en fait et de visibilité parce que oui. À l'époque, tu regardes même des groupes comme Korn et tout, c'était hyper chelou. Ou Rage Against the Machine ou des groupes comme ça, c'était oui. Hyper novateur à l'époque. S'ils n'avaient pas eu des majors derrière qui avaient cru, qui avaient mis l'argent, on ne les aurait pas vus, on ne les aurait pas entendus, on serait passé à côté. Ou System of a Down, ou des groupes comme ça, qui ont proposé des choses différentes. Et ça, il a fallu qu'il y ait des gens qui prennent des risques, il a fallu qu'il y ait des gens qui misent dessus, qui poussent le projet, et qui prennent pas uniquement la sécurité de signer que des trucs très sécures. Vraiment, tu te dis, bon, bah, ça, je sais que voilà, c'est dans une case. Nous, on ne peut pas nous ranger dans une case. C'est très compliqué. Alors, on va dire métal, expérimental, machin, mais même sur une affiche de festival, on peut jouer un peu avec tout le monde. On a joué déjà avec des groupes très, très différents, d'ailleurs. Oui, non, mais c'est vraiment... Voilà. Bah, tu le disais, vous êtes un vieux groupe, vous fêtez vos 30 ans cette année. Oui. Est-ce que vous avez prévu des choses particulières pour les fêter ou pas? Déjà, alors le meilleur anniversaire, c'était cet album et cette signature, parce que voilà, c'était signé pour cet album-là avec ce label-là, c'était génial pour nous. mais oui, bien sûr, on va prévoir pour la date toulousaine, je pense, en priorité. Je vais t'en parler. Voilà, un petit on va peu quand même soigner les gens chez nous, pas oublier d'où on vient. Et donc, je pense qu'on fera un joli bikini et puis on va faire quelques surprises, des trucs un peu à part du reste de la tournée pour cette date parce qu'il faut qu'elle compte. Et voilà, et c'est nos 30 ans aussi. Et c'est un moment, nous on est un peu l'autruche du clip, tu sais, on est tombé, on s'est relevé, on est tombé, on s'est relevé, on est tombé, on s'est relevé. Ouais. C'est la vie de tout groupe. Hein. Oui. Mais c'est vrai que quand ça fait 30 ans, t'en as vu peut-être plus que d'autres gens. Ça c'est sûr. Et je vois un peu qui est resté aussi de l'époque. Hein. Y a les gens qu'on connaît depuis longtemps, les Sidi Larsen, les Massisteria, les Black Bombay, tous ces groupes-là avec lesquels on s'est croisés moult fois et on se connaît bien. Et voilà, ça fait plaisir, on se retrouve, on se dit, ah tiens, on est encore là, Loudblast aussi, ou des groupes comme ça, qui existent même depuis plus longtemps que nous. 40 ans, je crois, qu'ils fêtaient là, il y a 15, la semaine dernière. C'est oui, ça, 15 jours. Donc on en parlait avec Steph, justement, Burier, on s'est recroisé parce qu'on a joué avec les Tambours du Bronx sur la tournée précédente. Et voilà, on discutait, on se disait, c'est marrant, ça fait quand même très longtemps qu'on se croise et qu'on se côtoie. Il nous avait invité, même lui, il avait une émission à une époque, Une Dose de Métal. C'est une émission, une sorte de web TV. Il nous avait invité avec Manimal, avec un autre de mes projets. Donc on sait déjà, voilà, on se connaît bien de la route. Enfin, c'est des gens que tu côtoies surtout sur la route, hein, parce qu'on vit tous dans des villes différentes. Mais à part les Sidi, ils sont à la maison. Voilà, les Sidi, on est plus proches d'eux parce qu'on avait le collectif antistatique avec eux à l'époque aussi. C'est des vieux amis. Ouais. Donc on se suit mutuellement, on voit un peu nos évolutions, etc. Et les CD sont chez Vericords aussi d'ailleurs. Oui. Donc ça c'est pas chez Verichaud, mais chez Vericords. je sais qu'ils sont là-bas. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'on vous souhaite ou qu'est-ce que vous aimeriez pour vos 20 prochaines années? Je te dis 20, mais... Continuer à faire des albums déjà, parce que c'est quand même dur de faire un album, faut pas se leurrer. À chaque fois on sait pas si on pourra en faire un autre. C'est bon, celui-là on le fait, super, on fait une tournée, super. Moi je suis très reconnaissant des gens qui continuent à nous soutenir, à nous suivre, à venir nous voir, à nous parler, à soutenir le projet. Et je suis très reconnaissant des gens qui misent sur le projet et qui y croient. Donc je suis pas du tout blasé par rapport à ça, quoi. C'est-à-dire, je me dis, on a de la chance de faire ce boulot, on a de la chance de pouvoir vivre notre musique et de pouvoir jouer et exprimer encore des choses. Donc c'est la chance que je nous souhaite, c'est de faire des albums encore et des albums encore meilleurs, c'est-à-dire expérimenter un max de trucs. J'espère ne pas être au bout de ce que j'ai à proposer au niveau idée, parce qu'à chaque nouvel album tu te dis j'ai pas ce que je vais faire, c'est terrible. Mais quand ça vient, d'un coup il y a un concept qui se dessine, tu fais j'ai encore des trucs à dire, mais tu te dis là en gros à chaque fois je suis sauvé pour les deux prochaines années en gros, mais faut que je rebondisse que je trouve quelque chose de nouveau. C'est ça qui est pas facile, quoi. Bien sûr. Ok. Là on l'a plus ou moins déjà évoqué, mais vous êtes aussi un groupe de live et presque avant tout un groupe de live, parce quand on part dans tous les sens comme ça, l'énergie, elle se retrouve forcément sur scène. Oui. Donc, vous avez que quelques dates là pour l'instant d'annoncer, plutôt un festival. Tu le disais, vous avez une grosse tournée qui va bientôt être annoncée. Là, on a commencé à annoncer les premières dates, mais c'est au compte-gouttes parce que c'est les annonces qui se font progressivement. Mais pour citer les dates qui sont déjà annoncées, on va aller jouer à Lille justement avec Massisteria. On va jouer à La Rochelle, on va jouer à Auch aussi, ça c'est plus près, oui. Au Criard. Ça pareil, c'est des vieux amis. Oui, j'ai vu passer la voilà, on va jouer en Belgique. Voilà, ça se remplit au fur et à mesure. On va jouer à Lyon. Mmh. Donc ça, c'est les premières qui ont été annoncées, et il y en a plein d'autres là dont on parlera après, mais qui sont en cours. Et le but, c'est de pilonner un maximum la France, les limitrophes, et puis plus loin, j'espère, pour que cet album vive un maximum. De toute façon, ce qui fait le plus plaisir, c'est quand un album vit sur scène, parce que ce qui fait plaisir, la récompense, si tu veux, c'est de les jouer devant les gens et de voir la réaction des gens et de communier un peu avec les gens autour de ça pendant une heure et demie ou une heure. Et c'est un plaisir on a toujours ce plaisir d'aller sur la route quand même. Mm. Et c'est un groupe de live, c'est un groupe qu'il faut voir en live, parce que c'est un groupe où je pense qu'on comprend encore mieux le message quand on voit. Il y a des gens qui disent sur CD, je captais pas tout, et maintenant que je vous ai vu, je comprends vraiment ce que vous voulez véhiculer et ce qui se passe, quoi. Ouais. Et ça, c'est important, je pense, pour nous. En plus, on est un groupe, on adore ça, partir sur la route. C'est à la fois la colonie de vacances, et à la fois c'est très sérieux, parce qu'on essaie de faire le boulot le mieux possible. Donc voilà, c'est des moments un peu de stress aussi, et à la fois de grande détente, quoi. Donc c'est exceptionnel, la vie d'un groupe sur la route. Hein. C'est comme une famille itinérante, quoi. Ouais. Oui, forcément. Bah écoute, du coup, on attend l'annonce de la date toulousaine. Ah ouais, elle est pas encore calée, celle-là, parce qu'on sait qu'on va la mettre, mais oui, bien sûr. On va choisir le meilleur moment selon comment les dates se font, selon le routing de toutes les dates et tout. Oui, on va en préparer une bien belle quand même. Ouais. Bah écoute, pour ma dernière question, elle va être un peu autour de la scène toulousaine, parce que vous êtes un des principaux groupes, ne serait-ce que par votre âge, de cette scène toulousaine. Comment tu vois toi aujourd'hui la scène toulousaine, que ce soit au niveau artiste ou même les concerts proposés, tout ça, comment tu la trouves cette scène, surtout par rapport à il y a 30 ans, tu vois, en fait, tu l'as vu évoluer, qu'est-ce que tu en penses? Je vois qu'il y a toujours énormément de bons groupes et de groupes dans plein de catégories différentes. Que ce soit dans l'électro, dans le jazz, on a des artistes, on a Rémi Panossian par exemple, qui est un très grand artiste jazz qui joue mondialement, qui est toulousain, on a qui vit à Toulouse en tout cas, on a les Madames récemment, Gabriel, je la connais depuis un moment, parce que bien avant qu'elle fasse de la musique même, puisqu'elle était venue jouer dans un clip de Rufus Bellefleur, qui était un de mes projets. Donc je suis content qu'elle développe ses projets personnels, ça marche super. Et puis voilà, on a les vieux de la vieille qui sont encore là, mais il y a plein de nouveaux groupes que j'ai découverts. On a les Dos Theory aussi qui sont des amis aussi, ou les Mazed que je connais aussi. Voilà, c'est des groupes qui montent quoi, qui se bougent et qui se débrouillent pour essayer de vraiment proposer des styles originaux et qui se défoncent, qui travaillent. C'est des groupes qui travaillent beaucoup, qui sont sérieux et peut-être même plus conscients que nous, je pense. On l'était à l'époque, nous on était dans un truc un peu foufou quand on était jeunes, on était moins structurés, enfin on s'est structuré au fur et à mesure, quoi. Ouais. Là c'est des groupes qui sont en pleine conscience de tout ce qu'il faut, de l'image, de la com, de le matos. Enfin, ils sont hyper pointus, beaucoup plus que nous on l'était à l'époque. En fait, c'est ça que je vois comme différence, c'est que c'est des gens qui, voilà, ça s'est carréifié. Ouais. Mais voilà, ça me fait plaisir de me dire qu'il y a cette relève qui est là. Ouais. Et c'est des gens qui, je pense, n'ont pas fini de faire parler d'eux avec le temps. Et je leur souhaite le meilleur à tous, parce que avec le travail et la sincérité, c'est ce que je leur dis, parce que à chaque fois quand on me pose des questions là-dessus, on m'en pose souvent. Ouais. Moi, je dis, il faut, c'est quoi la clé du truc pour que ça dure et que ça le fasse? Je pense que c'est vraiment être sincère, spontané, sincère, et puis croire en ce qu'on fait, se bouger, travailler, pas lâcher l'affaire, parce que des claques, on va en prendre plein. Ouais. Il faut se défoncer, quoi. Il faut se défoncer. Mais c'est très dur. Hein. Ah oui, oh, ça. Enfin, de toute façon. Attention, il faut être bien accroché pour faire ce métier. Oui. Voilà, parce que on va prendre des tartes et il faudra se relever et il faudra pas dramatiser et justement arriver à en rire après et se dire bah tiens, j'ai pris des tartes à ce moment-là, maintenant j'en rigole. Voilà. On en revient à votre album. Toujours. Donc écoute, je vais m'arrêter là niveau question, mais finalement la plus belle conclusion, c'est que oui, il faut faut toujours se relever, faut toujours continuer à travailler pour être plus heureux et sur la suite, ou en tout cas pouvoir prendre les déceptions avec philosophie. Avec philosophie, ouais. Avec philosophie, mmh. Avec humour et avec et se dire que il y a toujours quelque chose à retirer, je pense, d'un événement, même dramatique, même tragique, même très dur. Avec le recul, on se dit toujours, tiens, quelque part quand même, ça m'a permis aussi d'arriver à ça. Je serais pas arrivé sans ça. Ça a été une trajectoire, ça a été un tremplin pour autre chose. Mmh. Donc le but, c'est de prendre justement tous ces écueils de la vie, de faire des tremplins avec et de rebondir dessus. Mais c'est très dur. Hein. Je dis pas que c'est facile et je dis pas que j'y arrive tout le temps. Mmh. Et des fois, on se laisse abattre comme tout le monde. On a toujours un moment où on va s'auto-apitoyer. Sûr. Parce que bon. C'est comme ça. Mais bon, je pense qu'après, faut pas chouiner trop longtemps, je pense quand même. Parce que sinon on est paralysé. Oui, en fait. Bah, on est paralysé, je l'ai déjà été. Et ça permet pas de se relever. Il faut se relever, quoi. Il faut se remettre en selle. Et après, tu vois que tu te dis oui, j'ai bien fait de revenir parce que je serais passé à côté de ça, de ça, de ça. Si j'étais resté complètement au fond, j'aurais pas vécu toute cette suite. Donc non, c'est bien. Mais je vois que, je te disais, les groupes aujourd'hui, ils ont une sorte de niaque. Oui. Les groupes locaux et tout, ça. Ah, oui. Ils sont bien là, quoi. Ils ont bien envie d'y aller. Plein de dates, tout le monde se bouge partout. Ah ouais. Et puis ça se fédère aussi, ça organise des concerts, ça, comme nous on l'avait fait à l'époque. Mm. Mais il ne faut pas hésiter à aller taper à toutes les portes, hein, ça c'est sûr. Il faut, et puis le refus, il ne faut pas s'arrêter à un refus, même à 15 refus, il ne faut pas s'arrêter, quoi. Non. Si tu crois dans ton projet, voilà, tu y arriveras. C'est ou en tout cas, tu feras quelque chose. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi, Nico. Et ben, on se dit à très bientôt sur les routes. Alors, ben, moi, sûrement à Toulouse. Ah, bah, j'espère, ouais, bien sûr. Et puis, bon, et pour les autres gens qui regarderont, ben, j'espère que ça leur donnera envie d'écouter, de venir vous voir. J'espère. Merci. Merci.